La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On a parlé pas mal de ce bol d'or qui aura lieu samedi soir à Thetford Mines. On a parlé avec Sébastien Deschamps, l'entraîneur de Saint-Hyacinthe. On a parlé avec François Laberge. On a parlé avec des joueurs des Gaillards de Jonquière. Là, maintenant, on va parler avec un gars qui est sur YouTube et qui fait des podcasts sur le football collégial. Ils sont quand même rares, les médias qui s'intéressent, les gens qui s'intéressent au football collégial, surtout en Division 3. Quoi qu'il en soit, vous pouvez l'écouter sur YouTube au podcast 1720. C'est William Julien. Bon après-midi, William. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. William, parle-moi de ton podcast au départ. Est-ce que c'est un podcast qui est strictement sur le football collégial? C'est quoi, en fait? En fait, c'est un podcast on parle principalement football collégial. On va faire un tour également de l'universitaire et également des deux divisions juvéniles au provincial. D'ailleurs, okay. Eux qui joueront au bol d'or en fin de semaine, également à Thetford Mines. Mais notre principal atout, c'était de parler du football collégial parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez au Québec du football collégial. Et puis, c'est de l'excellent calibre, que ce soit dans la division 1, la division 2, la division 3. Il faut en parler. Puis, on est des maniaques. Moi, je coach encore dans le football dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Donc, c'est important pour moi de pouvoir partir quelque chose cette année. Et puis, je pense qu'on est bien parti. Puis, c'est ça. Donc, suivez-nous parce que je pense que le football collégial mérite d'être plus connu. Ben oui. William, où que tu prends tes informations? Parce que pour parler, il ne faut pas dire des niaiseries. Il faut bien que tu t'alimentes. Là. Fait que c'est où que tu prends tes informations? Parce qu'il n'y en a pas une tonne, là. Non, absolument. C'est sûr qu'on va voir, on essaie d'aller voir le plus de matchs possible de nos yeux, parce que c'est la principale source, c'est de voir des matchs. Comme ça, tu sais comment le match est déroulé. Mais on se fie également avec la RSEQ qui nous donne les statistiques qui mettent les scores à jour. Donc on essaye jamais de voir comment le match s'est passé parce que on peut pas voir tous les matchs, évidemment, avec des équipes comme dans votre région, au Saguenay, on peut pas. Donc on essaie de développer le plus possible. On essaie également de parler des équipes. On connaît quand même les entraîneurs aussi de plusieurs équipes. Moi et mon collègue Anthony Dupuis pour œuvrer dans le milieu du football. Donc on essaie de faire notre possible. Et puis c'est sûr que c'est la première année. Donc je pense que les informations vont rentrer plus rapidement au fil des années. Mais l'important, c'est d'aller voir au moins un match par fin de semaine. Ah, OK, c'est ça l'idéal. William, j'ai parlé avec les deux entraîneurs. Je m'attends à un match très, très serré. Est-ce que je me trompe? Écoute, Saint-Hyacinthe, ça semble une puissance. On connaît bien les Gaillards qui ont l'expérience des bols d'or. Ils connaissent ça. Mais je m'attends à un match très chaudement disputé. Tu te trompes pas, Danny. Pour moi, c'est le match du week-end. Oui, on peut voir que les matchs de division 1 entre Knoxville et Vanier, deux programmes qui sont bien établis, que ça semble sur papier être un très bon match. Mais pour moi, je pense que le match entre Saint-Hyacinthe et Jonquière, c'est le match de la fin de semaine. C'est une bonne rivalité d'année entre les deux formations. D'ailleurs, coach Deschamps et coach Laberge se connaissent depuis très longtemps. Seb Deschamps, avant d'accepter le poste d'entraîneur-chef du côté de Saint-Hyacinthe, était coordonneur offensif dans la division 3 avec les Cavaliers de Saint-Lambert. Donc, deux équipes qui se connaissent bien. C'est une rivalité. L'an dernier, Saint-Hyacinthe avait perdu par un seul point. Avait mené pendant trois quarts, tout s'était écroulé au quatrième quart, dans un gros match disputé dans la neige ici à Jonquière. Et Jonquière va vouloir venger également la défaite au bol d'or il y a deux ans contre ces mêmes Lorient et Saint-Hyacinthe. Donc tout un match en perspective à prévoir. OK. Du côté de Saint-Hyacinthe, on connaît bien les Gaillards, mais les Saint-Hyacinthe, leur force, c'est quoi? C'est une attaque très équilibrée. Qui est un coach offensif, donc souvent. Les entraîneurs chefs offensifs aiment bien établir leur système. Vincent Boyer, un excellent corps arrière qui devrait connaître un autre bon match. En fait, un bon duel de corps arrière parce que Frédéric Clemens de l'autre côté est excellent aussi. Du côté de Saint-Hyacinthe, il faudrait établir notre jeu au sol très très rapidement dans le match parce que Jonquière a une excellente défensive et surtout si avec la température, il annonce très froid en fin de semaine. Oui, moins 20. La force de cette Oui, et la force de Saint-Hyacinthe, c'est le jeu aérien, parce qu'on a deux excellents receveurs en Omar Touré et David Kouali. Donc, on va vouloir vraiment établir, il va falloir établir notre jeu au sol. Et on sait que la ligne défensive des Gaillards, elle est très terrifiante. OK. C'est qui l'expérience? On peut dire que l'expérience de la victoire, est-ce que les joueurs des Gaillards ont plus de d'expérience dans les matchs importants que ceux de Saint-Hyacinthe? Absolument, parce que Jonquière, ouais, je pense que c'est leur troisième ou quatrième, ouais, participation consécutive au bol d'or. Donc, c'est sûr que les entraîneurs de Jonquière ont l'expérience de ces gros matchs-là. Ils ont l'expérience d'avoir vécu toutes sortes de températures avec le bol d'or qui se déplace à chaque année. Donc, ils ont l'expérience au niveau des stratégies également et de l'approche. Comment approcher un match comme ça. Je dirais que les joueurs, c'est ceux qui sont là depuis le tout début, c'est sûr qu'ils ont un certain avantage sur Saint-Hyacinthe, mais Saint-Hyacinthe reste une équipe qui domine du côté de sa section, dans la sud-ouest. Donc, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui s'en va toujours dans le carré d'or. Ouais. Elle a gagné le bol d'or il y a 2 ans, malheureusement défaite l'an dernier, mais c'est deux entraîneurs-chefs et deux personnels d'entraîneurs qui ont l'expérience des gros matchs. Parce qu'ils ont coaché sans être tout le temps avec la même équipe. On était avec des équipes qui ont été également au bol d'or auparavant. Donc, je pense que la préparation des deux coachs du staff va être va faire une belle différence dans ce match-là. Tu y vas avec ta prédiction dans ce match-là? Moi, j'y vais avec Saint-Hyacinthe. Je pense que ça va être un match serré. J'ai dit que ça finirait par une possession, un placement ou un toucher. Je pense que si Saint-Hyacinthe peut vraiment imposer son jeu au sol, va pouvoir gagner ce match-là parce que on connaît les armes. Si le jeu au sol s'impose, ensuite Jonquière qui devra respecter Saint-Hyacinthe et son jeu au sol. Donc, ça va pouvoir ouvrir, comme je le disais, des gars comme Omar Touré, qui a une belle chimie avec son carrière Vincent Boyer. Donc, ça pourrait se faire. Je m'attends à un score, là. Parce que c'est quand même deux bonnes défensives. Si on parlerait de la défensive, c'est sûr que c'est un avantage aux Gaillards. Selon moi, une meilleure défense. Mais je m'attends à un match, je dirais une victoire de 25-22 de février. Oh, OK. Dans le froid, moins 20, c'est sûr que ça peut désavantager Saint-Hyacinthe, non? Absolument, c'est sûr. Ouais. Jonquière a un très gros avantage là. Sauf que coach Deschamps en a disputé des bols d'or, comme je disais aussi ailleurs. Je pense qu'il va savoir comment se préparer. Et c'est pour ça que le jeu au sol va être très, très, très important dans ce match-là. C'est sûr que les Gaillards vont s'attendre à ce que Saint-Hyacinthe tente d'imposer son jeu au sol et son tempo rapidement dans ce match-là. Donc, je m'attends à une guerre de tranchées incroyable entre les deux formations. Et puis, ça va être très serré. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que Saint-Hyacinthe veut venger sa défaite en demi-finale de l'an dernier. OK. Saint-Hyacinthe qui passe en division 2. Est-ce qu'ils ont les atouts pour jouer, pour bien performer en division 2? Parce que moi, je la pose souvent la question à François Laberge. Pourquoi vous n'y allez pas en division 2? Puis, on semble hésiter. On semble dire, bagade, manque peut-être de profondeur. Moi, je pense que Jonquière est entre les deux. Ils sont trop forts pour la division 3 et peut-être pas assez forts pour la division 2. Mais est-ce que Saint-Hyacinthe, d'après toi, en division 2, ils vont performer? Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que c'est une équipe de milieu de peloton au moins en division 2. OK. Qui va finir entre la 4e et la 7e place, qui va faire les séries régulièrement. Est-ce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'en division 3, Dany, il y a des excellents athlètes. La qualité des athlètes, elle est excellente en division 3. Si on pense aux deux recrues universitaires cette année, Jérémy Murphy et Jean-William Rouleau, les deux anciens de la division 3. Par contre, comme tu dis si bien, les équipes en division 3 ont moins de profondeur parce que beaucoup les équipes de division 1 et de division 2 vont chercher plus de joueurs. Et donc, la profondeur est peut-être un peu moins présente malgré les bons athlètes. Donc, ça prend des bons athlètes dans chaque... Et l'argument de coach Laberge doit être très bon parce que c'est un manque de profondeur. Je crois quoi en division 3, c'est ce qui fait défaut. Je pense que Saint-Hyacinthe, c'est une équipe de milieu de peloton, mais c'est pas encore une équipe, d'après moi, en division 2, qui est capable de compétitionner avec les John Abbott, les Valleyfield de ce monde. OK. Ben, William, très intéressant. Donc, on invite les gens à aller sur ton podcast. J'imagine que tu vas faire un podcast spécial pour les 5 bols d'or. Donc, j'imagine que tu vas en faire un. Oui, absolument. Il y en a un qui est enregistré. On l'a mis en ligne hier soir, donc on devrait le mettre sur notre compte Twitter là, dans les instants qui suivent. Okay. Et puis, on va également en faire un la semaine prochaine pour revenir sur les actualités. On devrait aller faire un tour à Thetford Mines en fin de semaine pour voir des matchs. OK. Parce que moi, j'ai resté 2 mois et demi à Thetford Mines, puis les filons, c'était très fort à Thetford Mines. Est-ce que c'est encore fort? Est-ce que c'est populaire encore? Oui, c'est très fort. C'est une équipe qui est bien ancrée dans la région. Ouais. Ils sont maintenant en division 2. On perd pas en demi-finale, d'ailleurs. C'était une équipe cette année qu'on voyait peut-être pas se qualifier pour les séries. On les voyait batailler. Nous sommes rendus en demi-finale. On était chercher des grosses victoires en saison régulière, dont Côté-Droit, mon petit, qui s'en va au bol d'or. Pour terminer quatrième, ils ont réussi à jouer un match à domicile. Ils sont passés très, très d'années de pouvoir disputer ce bol d'or à domicile, ce qui aurait été incroyable. Mais je pense que les gens de Thetford vont se déplacer. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la décision de RSEQ d'attribuer ce bol d'or à Thetford Mines, mais je pense que c'est une bonne décision parce que ça fait du bien de voir ça en région et puis ben oui. De voir ça dans une place où les gens aiment beaucoup le football et même si les filons sont pas là, je pense qu'il va y avoir du monde qui vont venir encourager les équipes et il y a beaucoup, les autres équipes qui envoient des autobus au bol d'or, donc il devrait y avoir du monde. Ben oui, effectivement. Donc, merci beaucoup William, pour le plaisir de se parler un jour. Merci William Julien qui fait un podcast sur le football collégial 17-20 sur YouTube.